Nous commençons donc cette émission avec la revue de presse que nous avons concoctée, moi-même et François. François, toi, tu apportes une nouvelle sur les épinards, une étude qui vient de prouver que manger un bol d'épinards par jour, ça modifie et rend les muscles beaucoup plus efficaces. Ironiquement, Valérie, Popeye avait raison de manger des épinards. Alors, les scientifiques viennent de découvrir que la consommation de 300 grammes d'épinards chaque jour réduit la quantité d'oxygène nécessaire pour faire fonctionner les muscles. On rapporte même que les effets sont si importants qu'ils se prolongent pendant 3 jours. Et contrairement à ce que l'on serait censé ou tenter de croire, ces propriétés ne sont pas dues au fer que contiennent les épinards, mais plutôt aux nitrates qui s'y trouvent en abondance. Ce sont les nitrates qui augmenteraient l'efficacité des mitochondries, c'est-à-dire les petites centrales d'énergie dans nos cellules. D'accord, et comment les chercheurs en sont venus à cette conclusion? Alors, pour en arriver à ces résultats, l'auteur de l'étude, le docteur Witzberg, a nourri des gens avec des suppléments nitrés correspondant à l'équivalent d'un plat d'épinards chaque jour pendant 3 jours. Or, ces gens-là devaient pédaler vigoureusement sur un vélo pendant que leur consommation d'oxygène était évaluée grâce à un tube placé dans leur bouche. Cet exercice a été fait au début et à la fin de l'étude pour mesurer la différence de performance. Donc, on a pu voir l'amélioration au début et à la fin après avoir mangé ces apports nitrés. Mais dis-moi, ça prend un groupe témoin quand même pour vérifier que effectivement c'est bien les apports nitrés qui étaient en cause. Oui, c'est un fait. L'article que j'ai lu ne documentait pas cet aspect et c'est un peu déplorable, mais j'imagine que le docteur Witzberg en a constitué un, car sinon son étude n'aurait pas vraiment de valeur scientifique. Ouais. En fait, il en parlait tout simplement pas. Là. Alors, le résultat final indique que la consommation d'oxygène a diminué de 3 à 5 % à la fin de l'expérience, pour le même exercice, ce qui semble assez significatif. L'explication scientifique vient du fait que les nitrates sont transformés en oxyde nitrique dans notre corps à l'aide d'une bactérie. Or, l'oxyde nitrique favorise l'augmentation du calibre des vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation sanguine tout en diminuant la pression vasculaire. Ah, c'est ça. Donc, ils sont mieux alimentés, finalement. Nos muscles sont mieux alimentés en sang et donc en oxygène. Exactement. C'est donc, ça. Mieux vascularisés. Oui, mieux vascularisés. Sont plus efficaces, effectivement. D'accord. Donc, c'était pas à cause du fer, mais à cause des nitrates que les épinards nous donnent plus de force musculaire. Exactement. Intéressant. Alors, c'est à toi maintenant de nous faire une deuxième nouvelle. Alors, tu nous rapportes des travaux qui sont effectués à l'Université de Montréal. Oui, c'est une histoire qui allie le diabète, comme tu le dis, les Indiens cris et le thé du Labrador. En fait, pour revenir sur l'histoire du diabète, il arrive que les tissus deviennent résistants à l'insuline. Donc, c'est-à-dire que l'insuline ne fait plus correctement son travail, qui consiste normalement à réguler le taux de glucose dans le sang. Et donc, quand ces tissus deviennent résistants à l'insuline, le taux de glucose dans le sang augmente. Et c'est le diabète. Alors, le diabète est de plus en plus fréquent dans nos populations et même chez les autochtones, il n'y échappe pas non plus. Okay, c'est étonnant, hein, ouais. Ouais, c'est étonnant. Peut-être oui et non, tu vas voir. Ouais. Donc chez les cris en particulier, 20 à 30% de la population souffre de diabète. C'est quand même une grosse proportion. Et donc, pourquoi? C'est parce qu'ils ont adopté assez rapidement la nourriture occidentale, qui est une nourriture riche en sucre, assez riche en énergie. Or, eux, pour survivre dans un milieu qui est quand même assez difficile, ils ont développé au fil des générations et des générations un métabolisme qui, justement, retient tout ce qu'ils trouvent dans leur alimentation. Tout, c'est ça. Étant donné la rareté de la nourriture. C'est ça, exactement. Sauf que là, l'alimentation occidentale leur en fournit peut-être un petit peu trop par rapport au mode de vie réellement ancestral. Donc, à l'Université de Montréal, le professeur Pierre Haddad et son équipe ont cherché à corriger le problème, et non pas en proposant des remèdes de la médecine occidentale, mais des remèdes de la médecine autochtone. Et l'idée étant que les cris accepteraient mieux de se faire soigner par une médecine traditionnellement plus proche de leurs valeurs d'eux-mêmes. Mais pourtant, le diabète est une maladie moderne. En fait, comment les cris peuvent-ils avoir une médecine traditionnelle qui s'attaquerait à une maladie moderne? Oui, c'est une maladie moderne, et effectivement, puis qui n'était peut-être pas connue en tant que telle dans la médecine traditionnelle cri, mais il y a quand même des symptômes du diabète qui existaient, et la médecine cri devait avoir des remèdes contre certains symptômes du diabète. Donc, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont rencontré 104 guérisseurs, et ils leur ont demandé avec quelle plante ils soignaient certains symptômes du diabète. Donc, ils n'ont pas nommé le diabète en tant que tel, mais ils ont dit... Ce qu'ils associent au diabète, là. C'est ça, exactement. Comment vous soignez la soif extrême? Comment vous soignez la fatigue chronique? Comment vous soignez le fait que certaines personnes ont des plaies qui guérissent mal? Donc, des plaies, des symptômes qui sont associés au diabète. Et les guérisseurs ont donc donné des noms de plantes. Les chercheurs sont donc ensuite retournés à leur laboratoire pour faire des tests in vitro et voir si les extraits de ces plantes permettaient d'abaisser le taux de glucose dans le sang. Et ils ont fait, en comparaison, ils ont fait ces mêmes essais avec des molécules pharmaceutiques qui sont connues pour agir dans ce sens-là. Et est-ce qu'ils ont trouvé des extraits de plantes qui sont intéressants? Ils ont trouvé 7 extraits de plantes qui ont donné des résultats équivalents aux composés pharmaceutiques. Et il y avait, il y avait des noms de plantes qui ne me parlaient pas, mais il y avait entre autres des extraits de cônes d'épinette blanche, des érelles rouges, de baies de genévrier et du thé du Labrador. Alors ça, c'était des expériences in vitro. Donc l'étape suivante, ça a été de vérifier si les résultats obtenus in vitro se retrouvaient in vivo. Donc là, ils ont fait des tests sur des modèles animaux et le thé du Labrador s'est révélé le plus efficace dans ces extraits testés. Maintenant, pour faire un médicament, l'idée est d'inclure les extraits de thé du Labrador au menu, finalement à ce que vont manger en même temps les personnes, donc d'en absorber en même temps que le repas. Et là, c'est en cours, il y a des études qui se poursuivent pour vérifier l'efficacité. Alors, par contre, si ça marche, on peut se demander qui va faire de l'argent avec cette découverte. C'est une excellente question. Parce que on pense bien qu'une compagnie quelconque de produits naturels pourrait mettre la main sur cette mine d'or et pourrait fabriquer en plus probablement à faible prix des extraits de thé du Labrador et les mettre en marché. Puis si ça marche avec les cris, pourquoi ça ne marcherait pas avec les autres également? Puis on sait que dans la population, c'est quand même assez un certain attrait les produits naturels. Et puis ça ramène à cette question-là de qui va profiter finalement de cette manne, ça ramène à l'accord de Nagoya sur la biodiversité qui a été... Oui, dont on a déjà parlé, c'est ça, simple. C'est ça, exactement. Donc, on en avait parlé et selon cet accord, il doit y avoir une entente de partage des bénéfices entre les communautés autochtones et les chercheurs ou les industriels qui vont... développer le produit, exploiter les propriétés, c'est ça. Donc, dans cette étude particulière, l'entente dit que la propriété intellectuelle appartient à la fois aux CRI et aux chercheurs, mais que les CRI ont droit de veto sur toute commercialisation qui proviendrait de ces recherches. Donc, c'est une application, c'est un exemple finalement de bénéfice de partage de molécules pharmaceutiques qu'on pourrait trouver dans la biodiversité. Effectivement. Alors, il serait intéressant de suivre le dossier pour savoir si effectivement le partage des profits sera équitable. Oui, exactement. D'abord, il faudra vérifier si ça a un impact, si ça marche sur les personnes quand elles mangent. Là, c'est bien de vérifier sur des modèles animaux, mais après, il faut voir chez les humains ce que ça donne. On va finir par cette revue de presse, François, pour parler de la chimie, de l'année internationale de la chimie. Oui, tout à fait. En fait, on en a déjà parlé à Futur Simple. L'année internationale de la chimie a officiellement été lancée par l'UNESCO à Paris jeudi dernier, le 27 janvier. L'organisme onusien, voué à l'éducation, à la science et à la culture, espère ainsi réhabiliter l'image de cette science en soulignant son importance dans notre quotidien et ses bénéfices sur le développement durable, même si elle est loin d'y avoir contribué par le passé. Mm-hmm. Alors, selon Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, la chimie permet des avancées multiples, notamment en matière d'environnement, de nutrition, d'énergie et de nouveaux matériaux. Elle admet également que cette science a également des applications parfois dangereuses, mm-hmm. toxiques, polluantes auxquelles elle doit faire face. Ouais, il faut la contrôler. Effectivement. Alors, pour Nicole Moreau, présidente de l'Union internationale de chimie pure et appliquée et co-organisatrice de l'événement, il faut rétablir la vérité sur cette science souvent décriée et en améliorer mm-hmm. Les connaissances. Alors, l'année internationale de la chimie tentera de joindre le grand public, mais surtout les jeunes, par le biais d'expositions, de rencontres avec des chercheurs, d'expériences dans les écoles, de colloques et des conférences scientifiques. Et donc, pour faire connaître un petit peu cette discipline qui est peut-être pas toujours connue à sa juste valeur, exactement. Et la communauté scientifique, elle, est-ce qu'elle en profitera pour faire la promotion de la chimie verte également? Parce qu'on parle de chimie verte un petit peu cette année. Oui, effectivement, de plus en plus, en fait, ça existe de plus en plus. Alors, Mme Bokova a précisé que l'UNESCO mettra l'accent sur la chimie verte, ce qu'elle peut apporter dans le débat sur le changement climatique et la préservation de l'environnement. L'énergie solaire, les biocarburants, c'est en partie de la chimie, c'est ce qu'elle a défendu. Alors, cette année est aussi l'occasion de passer le message aux pays en développement qu'il ne faut pas forcément copier le modèle européen ou américain comme l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture. Ouais. Alors, il faut éviter de refaire les mêmes erreurs. En fait, c'est ce qu'elle a ajouté. Disons que c'est peut-être pas à eux qu'il faut dire de ne pas utiliser les engrais, mais peut-être à nous de ne pas leur vendre. Oui, ou d'arrêter d'en utiliser, effectivement. Ouais. Alors, pour terminer, Valérie, mentionnons que l'année 2011 marque également le centenaire de l'attribution du prix Nobel de chimie à Marie Skłodowska-Curie, récompensée pour sa découverte du radium et du polonium. Mm-hmm, exact. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense, que l'année 2011 a été choisie. Merci beaucoup, François. On va avoir l'occasion de parler de l'année internationale de la chimie. À d'autres reprises, oui, c'est absolument. Ça dure toute l'année. Oui. Alors, on fait une pause musicale sur CKRL 89,1.